Et Zanga, Kolo Kiyungulu, Naba na rive gauche. Bon pèse en zelate. Naba bang a baby note. Cho-cho! Be Zouambata, Namon Toussaint, ça n'a bien eu un métier.